Putain, j'ai quoi de... C'est en mono par contre, parce que j'ai que deux pistes. You wanna sit high, you wanna feel, I wanna sit. It's on the way, only inside with the white. Hey, what's in the way? You wanna celebrate another one? Thank you. Oh non, oh là là, j'ai pas concurrence étonne, c'est pas du tout mon niveau. Attends, on peut changer de thème.